Welcome. Oui, mais c'était tout à l'heure. Maintenant, j'aimerais un morceau cool maintenant. Great sound, Mr. Armenza. fois si c'est déjà. I went and set in my eye. I love it. Oula. Un, deux, trois. I went and set in my eye. I live and spread since I won't fight. I'm living and set you on my love you way. I'm living fast, you wanna say. I'm loving what's in free. I'm loving such a way, but not you. I'm living my way, say to my. I'm living such a way, son. I'm loving what you say, I'm finding you. I'm loving what I said to my. I'm loving what you said to my. I'm all I wanna say, I wanna know. Oh, allez, Sharon. Hey Sharon. Je vais refaire ma ligne de basse parce que je vais la synchroniser à mesure 1. Je me suis trompé. Il y a une petite variation. Depuis ce jour-là, rien n'est pareil. Lumière des projecteurs qui réchauffe mon cœur. Tout au long de moi, je n'ai jamais plus eu peur. Sur le devant de la scène, j'ai trouvé le sens de la vie que je mène.

dis, hein, oh, oh, tiens, bonne femme, tu veux vraiment mon tronche. 52 heures, putain. Eh, mais faut lui couper le téléphone, hein. Et comment tu sais qu'elle passe 52 heures?